Vas-y, mets l'instru là. Ok, le beat vite fait là. Si, si, c'est ça. C'est le 369 crew. Ok. Le rap, un monument prestigieux, un milieu qui m'attire et m'inspire à dire ce que je suis en train d'écrire. Je débarque et pose ma pierre avec toute mon équipe. Qui sait ce que c'est que ça pique quand on lui parle de lyrique. Froissé, la feuille, c'est le sanctuaire où je me retrouve quand j'ai besoin de jacter. Peu importe le coin impliqué, elle m'a jamais demandé de me taire. La plume retranscrit mes idées, donne vie à mes pensées pesantes comme une enclume ou choquante, une pute sans stream. Tout dépend de la couleur du ring, mais je serai toujours un zoneur. Des sons à l'ancienne qui sait mais renseigne les artistes d'aujourd'hui qui n'ont pas oublié d'où ils viennent, car traumatiste. En étant nocif avec ce que je kiffe, l'édifice que l'on bâtit par les récits de nos vies. Artiste, architectural, le rap, mon édifice, toi rincural. Parce que le gratte-ciel s'effondre, je pose mon grain de sel, c'est ce que je gratte pour mon ombre. Artiste, architectural, le rap, mon édifice, toi rincural. Parce que le gratte-ciel s'effondre, je pose mon grain de sel, c'est ce que je gratte pour mon ombre. Je pose ma pierre à l'édifice, n'est qu'un mec de plus qui rappe au micro, rime nouvelle, ça c'est sûr. J'ai peur que la maison du rap s'effondre. Les bases de la fondation sont pourtant solides, mais dans les étages supérieurs ça s'essouffle. Mon micro, ma truelle et mes rimes, mon ciment. Je reviens faire la façade car ça suffit. Trop ont dégradé ce monument, je pose des nouveaux pavés navrés. J'impose mon style carré, cadré, dépose des rimes sensées. Le papier à ma cause et à moi dévoué. Déjouer la fausse prose, l'édifice est tremblant. J'en connais les causes, je veux pas voir les conséquences. Donc au micro je cause pour le consolider. Moi je prends une pause, je reprends mon soufflet. Repars à la taille, dans ma main un pavé. Il part dans la mare ou à la surface nage. Beaucoup trop de canards, moi je les canarde afin de sauver notre art. Car nous on en a marre, les gros mangent les petits. C'est la loi du plus fort et dans le rap c'est la loi des majors. Je lève mon majeur et eux ils le dévorent. Artiste, architectural, le rap, mon édifice, toi incurable. Parce que le gratte-ciel s'effondre, je pose mon grain de sel, c'est ce que je gratte pour mon ombre. Artiste, architectural, le rap, mon édifice, toi incurable. Parce que le gratte-ciel s'effondre, je pose mon grain de sel, c'est ce que je gratte pour mon ombre. J'apporte ma touche, débris lyrical dans ton quartier. Sortez vos lyrics, le risque est écarté. En bas de chez toi, y'a combien de MC? Retiens le code, mon blaze, et cela même si. Loin des classiques, on avait classique. On nique leur hate, my phénomène. Dégote-moi, Mike, le rap, on le fait nous-mêmes. De mode ou de manque, j'en fous, regarde la demande. Détournement de musique, à la base alarmante. Je croise des clones plantés comme des clous, tous à l'amande. Alors depuis, faut de CD, c'est vrai, j'envoie des CV, même à la morgue. Comme ils le disent, je pose des morceaux en bas de ton bâtiment et pratiquement sans prendre de pause. On a eu nos classiques comme des basses solides. Les réviser dans la masse nous rendent insolubles. En attendant le départ, on se blase avec du pur artiste. Architectural, le rap, mon édifice, toi rien que tu râles. Parce que le gratte-ciel s'effondre, je pose mon grain de sel et c'est ce que je gratte pour mon ombre. Artiste, architectural, le rap, mon édifice, toi rien que tu râles. Parce que le gratte-ciel s'effondre, je pose mon grain de sel et c'est ce que je gratte pour mon ombre. Ça 369.